Si, get the fabulous gold. Yeah, 400 yeah. Yeah, place au vrai. Le vrai rap de Tess. Gangsta. Gangsta. On lâche, rien nous, c'est comme le frère du Hamas. Indépendant jusqu'à la dernière balle du calibre. Jusqu'à la dernière passe, tout à finir le taf à coup de chasse. On fera saigner la France de par la salive. Les gros, tu kiffes ta race, et boy. Avant que le son il fume ta race, pendant que les bulles font de la dirty. Nique sa race. On crache la mélodie des Rorty pour les chiens de la casse. Yeah. On lâche rien, on arrache les baffes. Du MOPP dans le casque, écoute le débit de la basse, négro. Négro. C'est les pères la place, son rap il flair comme du Lil Wayne et son style de tasse. Yeah. Admire le taf, moi fort, moi fort. J'agresse la concurrence, moi fort. Nous on les crève, moi fort. Attends, je la fais en français, un déglien qui pèse le game, là elle était nos morts. Mes places sont vraies, et tout familier. Vu que l'industrie maintenant est remplie de chien. Et qui tout pleure tous les jours au traduit sa peine. Le rap comme des prières, qui peut dire amen. Yeah. Mes places sont vraies, et tout familier. Les ghettos pleurent tous les jours, on traduit sa peine. On rappe comme des prières, qui peut dire amen. J'ai cassé les chaînes pour libérer mes sauces. Vive comme des aigles, la zèbre roule dans des gamos. Des putains de bastos. Dans tes vitres, animal accroché aux lianes. Pour pas sombrer dans les marécages dopés. Comme Diego Maradona, si je dois tricher pour la victoire, j'ai besoin d'un coup de main, toujours dissipé. Maracaï d'ici peu, troqué contre les clés d'Elysée, médiatique et la discipline. Quand je tombe, compté par l'arbitre, je me relève, gagne la fin du rang. C'est la discorde, frère, laisse-moi une corde que je mette les voiles avant que ces chiens me foutent à voile. Ils m'en regardent dans ce monde, mon pote, comme un cyclope. Donne-moi une clope, une feuille, et ouvre le feu dans une putain de grotte. Putain, je lâche rien, moi je sais, je suis venu manger. Pas des Français. Mes places sont vraies, et tout familier. Vu que l'industrie maintenant est remplie de chiens. Les ghettos pleurent tous les jours, on traduit sa peine. On rappe comme des prières, qui peut dire amen. Yeah. Mes places sont vraies, et tout familier. Vu que l'industrie maintenant est remplie de chiens. Les ghettos pleurent tous les jours, on traduit sa peine. On rappe comme des prières, qui peut dire amen. Dis-leur bien que je ne lâcherai pas le billet. Fouetter 400 ans jusqu'à aujourd'hui, piller. Les barreaux comme les canons, faudrait les scier. Apprécier notre peur à les gars au fuyer. Jusqu'à la taillon, je militerai pour les gens souillés. Par les huissiers, que les créanciers soient empaillés. 400 yens en peine à Gaza, le sol saigne. On lâchera pas comme Hussein jusqu'au trou, ça rappera les mêmes thèmes. On se tue, on s'aime le mal. Les sommes sont sales, les mâles ne peuvent pas lâcher. La zermie veut hacher, j'arrête pas de cracher. C'est ancré, je lâche rien. Jusqu'à ce que le cercueil m'accueille. Sincérité dans mes feuilles. Et dans ma vie, je suis comme ça. Ma plume, négro, est trop réelle pour le CSA. Social est le cas. Plus facile de trouver de la meca que de Vaitra. Donc les leur dit ne lâche pas. Mes places au vrai, et tout familier. Vu que l'industrie maintenant est remplie de chiens. Les ghettos pleurent tous les jours, on traduit sa peine. Le rap comme des prières, qui peut dire amen. Yeah. Mes places au vrai, et tout familier. Vu que l'industrie maintenant est remplie de chiens. Les ghettos pleurent. Les jours on traduit sa peine. On rappe comme des prières, qui peut dire amen. Dans n'importe quel test, on marchera la tête haute. On marchera la tête haute, marchera la tête haute. Qui peut pas nous comprendre, si t'es pas des nôtres. Si t'es pas des nôtres, si t'es pas des nôtres. Dans n'importe quel test, on marchera la tête haute. On marchera la tête haute, marchera la tête haute. Qui peut pas nous comprendre, si t'es pas des nôtres. Si t'es pas des nôtres, si t'es pas des nôtres.